Lining. Oui, lining, attends un peu. On va te monter ça au coton. Ma lining, tu croiras pas à ça, OK? Regarde bien ça. Bien ça. Lining. Ouais, on peut pas regarder. Nous sommes à la radio, lining. Mais on va la reprendre, OK? Ça te dérange pas? Bon, on a le temps, on a 2 heures. Lining. Ah, voilà. Voilà, c'est lining. J'ai baissé le son parce que ça demande un peu de l'inquisiteur, hein? L'inquisiteur s'en va en chantant. Nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya, nya. Les inquisiteurs s'en vont en chantant avec des tubas jusqu'aux dents. Les ambassadeurs sont venus en dansant. Les ambassadeurs sont venus en dansant avec des tubas jusqu'aux dents. Hein? Oui, pardon. Oui, 15 avril 2024. Monte le volume et hume la différence. Quand c'est parti, mon kiki. C'est carélien, c'est carélienne. Je vous aime. Bon, c'est parti. La partouze radiophonique. C'est pas vrai, mais oui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Je trouve que c'est exagéré, hein? La bête lumineuse. Non, c'est pas la bête. C'est quoi la bête? Hein, mon? Ça fait tellement longtemps que. Attends un peu. La bête. La cour, le musée, le musée, Reynald Gagné! En direct du zoo des bases égarées, je vous ai dit que la foule médiatique n'est pas. Pardon? Non, parce que je devrais refaire. En direct des égarées, le farfadet du surréalisme. Ah, oh, surréalisme. Le farfadet du surréalisme. Le clown le plus imprévisible dans le cirque. Le cirque, pas le cercle. Le cycle, oui. Mais le cercle. Voyons donc, ouais! Le cirque médiatique actuel. Le monstre sacré, non? Le monstre sacré. Fais attention, il y en a juste un monstre sacré au. Et puis c'est. Bon, non, moi, j'ose le dire, c'est au cinéma. Français! Gérard Depardieu, c'est un monstre sacré. C'est sacré Gérard. Il fait parler de lui. Ah, oh, quel comédien! Quel. Il était avec Madame Bouquet avant. C'était le Bouquet. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, Madame Bouquet, elle est rendue dans les olives. Elle fait l'élevage des olives. Sauvage. Ben, c'est habitué avec Gérard Depardieu. Hein? Ah, Gérard Depardieu était sauvage, sauvage, sauvage. Ah, il l'est un petit peu, mais il s'est assagi. Il a la langue moins pointue, mais les doigts aussi indiscrets. Oui, exactement. Il y en a de même. Mais c'est troublant, je trouve. C'est troublant. J'adore le cinéma. Je reviens encore là-dessus. Hey, moi, Jacques Doyon, c'est écoute, la fille de 15 ans, hein? Bon, Mademoiselle Gordèche, Julie Gordèche, Judith Gordèche, excuse-moi, Judith, oui, vous avez des préjudices sur Judith? Non, je me suis trompé, je suis un analphabète auditif. Mais je la connais, je l'adore, elle. Elle a travaillé, elle a écrit aussi pour la fille de 15 ans. Elle a collaboré au texte. Puis bon, derrière ça, si vous avez vu la fille prodige de Jacques Doyon, on dirait que hein, ça laissait présager quelque chose. Là. Il était avec Jane Birkin à un moment donné, puis elle avait quitté, pas son pays bleu, mais presque ses gitanes bleues. Qui fumait des gitanes? Serge Gainsbourg. Elle avait quitté Gainsbourg pour Doyon. Gainsbourg a écrit après ça, je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme disait Verlaine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Puis là, on entend des sanglots. Je ne sais pas si c'est Bambou, mais non, il ne la connaissait pas, Bambou, à l'époque. Mais dans Love on the Beat, là, les cris que l'on entend, c'est Bambou. Il paraît c'est Bambou. Il avait même, il avait placé un magnéto en dessous du lit, mais je trouve que c'est exagéré, là. Qui peut croire ça? Mais bon, si on se lance là, dans la folie gainsbourgeoise, pourquoi pas? Et puis, non, mais c'est triste. C'est triste de voir. Mais en fait, hein, la, on dit tout le temps que la chair est faible, mais est-ce que c'est une raison? Moi, c'est pas la chair, moi, c'est ma molaire. Hey, j'ai la molaire faible, moi, là. La chair est faible, mais ma molaire. Sa molaire, que ça reviendra plus. Non, ça peut pas durcir. Sauf que je mange assez de viande rouge, tu sais. Même pas rouge, on doit même plus ça appeler rouge. Moi, c'est bleu. Puis là, j'ai peur de dire ça, tu sais, parce qu'aujourd'hui, tu vas au restaurant, ça dépend lesquels, là, mais ils prennent n'importe qui, là. Le serveur, là, ou la serveuse, c'est n'importe qui. Pas de connaissance dans la cuisine, pas de connaissance, rien, là, à part elle. Est-ce qu'elle fait? Elle mange des nouilles avec un petit sachet d'assaisonnement, là, elle met de l'eau, des nouilles. Des fois, tu te demandes si elle ne devrait pas se mettre dedans. Et puis, elle applique ça, là, puis elle tournoie. Puis, pas elle, mais ses nouilles avec la poudre. Là, la poudre, elle commence de même, puis à la fin, c'est... En tout cas, ça, c'est comme Naked Lunch, hein, le festin nu. Elle fait ce qu'elle veut une fois qu'elle s'est achetée. Là, moi, je ne vais pas l'analyser. Puis après ça, elle se retrouve dans un grand restaurant. Tu sais, pas, disons un bistrot. On n'ira pas dans un grand restaurant. Un bistrot. Tu sais, une nourriture bistrot, steak frites, trucs comme ça. Là, poutine au Québec, ailleurs, c'est quoi? Ben, un cire chaude, Honolulu Quid, Vessantibal et Elvis Presley. En costume d'Adam. Mais ça, quand tu veux manger ça, c'est le dessert. Parce qu'au début, ça te lève le cœur. Elvis, aujourd'hui, là, oh, il vieillit mal, Elvis. Il aurait peut-être dû mourir, mais il est mort. Il sent un peu. Il sent du Elvis. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire, l'insignifiant? Mais c'est ça, là. Tu t'en vas dans un restaurant et tu demandes un steak frites. Tu t'attends que la serveuse te dise, parce qu'on va mettre ça au féminin, pourquoi pas, que la serveuse te dise quelle cuisson. Hein? Tu dis bleu. Puis là, tu sais, sa journée a mal été. Puis là, elle ne comprenait rien. C'est sa deuxième journée. Puis elle pensait s'améliorer. Mais ça ne fonctionne pas. Elle ne l'a pas, mais elle a deux enfants à faire vivre. Puis son mari l'a quitté. Tu sais, c'est classique. Puis là, il y a un gars qui tournoie autour. Puis elle ne sait pas si elle va l'appeler. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est juste elle. C'est pas les enfants. Puis bon, c'est son corps, pas son intelligence. Puis c'est classique. On a vu ça, puis on voit ça tous les jours. Hein? Quand tu travailles avec... Au niveau social, là, il y en a du monde de même, puis c'est pas leur faute, puis du monde de même, c'est pas gentil de dire ça. Alors, je me tournoie la langue et je m'excuse infiniment, mais les gens, il y en a de même. Il y en a de même, puis il y en a comme moi. Ben oui. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai un grand respect pour vous autres, les filles, qui voulez reprendre la relève, puis venir en aide à vos enfants. Mais vous voyez qu'autour, il y a des hyènes. Hein? Essaye des hyènes. Puis pas juste des hyènes, hein? Il y a des aigles au-dessus. Puis là, ce qu'ils veulent... C'est pas d'être le père de tes enfants. C'est pas d'être... Non. C'est d'être ton chum. Puis ton chum, tu sais, appelle-le pas souvent. Il faut que ce soit lui qui dit, excuse-moi, je t'appelle, on est samedi. J'ai appelé deux filles. Hein? Non, j'ai pas appelé deux filles, mais... Non. On peut-tu voir ça, s'asseoir? Tu travailles? Ben oui, ben écoute, je peux aller manger un petit lunch dans son bistrot. Ça te dérange-tu si je mange le bistrot? Si je mange avec toi, si je te mange le bistrot, est-ce que ça te dérange? Non? Ben c'est il est. Ben oui, ben c'est pour tout le monde. Hein? Toi, tu t'es rendu où, toi, là? Là, tu travailles où? Tu le sais plus? Ah, c'est pas. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, je t'appelle ma chérie parce que ça va très. Je trouve que tout entre nous, là, c'est on est fait pour se marier. Mais avant de se marier, il faut se connaître. Bon, là, on s'est parlé beaucoup, mais là, il faut mettre ça en pratique. Il faut savoir comment. Faut savoir comment on voit ça. Hein? On sait pas, là. Fait qu'on pourrait peut-être avoir une petite soirée tranquille. Ouais, je sais que tu travailles, mais tu sais, c'est chez moi après. Moi, te donner mon adresse, ça vient. Puis moi, écoute, moi, tout petit oignon français avec toi. Ah, oh, oui. Pardon? Je suis pas en état de sobriété. Je suis en état de t'aimer, mon amour. Ben voyons donc, oui. Trois enfants, ça me dérange-tu, trois enfants? Moi, j'ai déjà été un enfant, fait que trois de même, là, ça, j'ai oh, mais amène-les pas à soir, là. Parce que je vais sauter avec toi des belles expériences. Ben oui, mais on va parler. Ben non, c'est pas juste pour le. Non, pas voyons donc, moi, le sec? Ah, moi, le sec, je préfère l'humide. Ah, oui, quand c'est humide, c'est pas sec. C'est normal, hein. Ben, oh, t'es OK, t'es en pause, mais là, t'es plus en pause. Bon, à quel endroit je peux aller manger chez toi, mais ben, en tout cas, dans ton bistrot. Sur la rue Saint-Jean. Oh, Saint-Jean, ça vous Saint-Jean, mais oui, il y a Saint-Jean. OK, Saint-Jean, OK. L'adresse, ma... M'a sauté dans mon véhicule, je vais prendre le taxi. Ah non, le taxi, parce que moi, j'ai des ampoules sur le bout des doigts, je suis plus capable de conduire. Ah oui, tu sais, moi, mon métier, c'est quoi mon métier? Guitariste. Ouais, ben ça, c'est moi, ouais, c'est dans mes temps perdus, mais je perds souvent. Ah, moi, la gamme, je la connais. Ben non, mais là, j'aimerais ça aller te voir, ma chère nouvelle épouse. Hein? Oui, d'accord. Tu dois aller travailler. Pas d'adresse. Merci. OK, je te rappelle. Voici venir la nuit des longs couteaux. Oh, la nuit des longs couteaux, attention. Filez vos bas noirs, les gars, ajustez bien vos accroches, bas vos porte-jartelles et vos corsets. Allez, venez, ça va se corser, on va danser le. Je la connais par cœur. Malheureusement pour vous. Oh yeah! Ouais, on va danser le. Nazi rock, nazi rock, nazi. Oh yeah! Alors, attention! Maquillez vos lèvres, les gars, avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues. Ah, voyons donc, j'ai manqué. Serge, je m'excuse infiniment. Ouais, on va danser là. Boucle blonde, les gars, mettez fixatif et corps gras, n'épargnez ni ongles ni phares, venez avant qu'il soit trop tard, on va danser le. Nazi rock, nazi, ouais, on va danser le. Nazi rock, on va danser le. Nazi rock, nazi, on va danser le. Nazi rock, nazi. On va danser le. Nazi rock, nazi, nazi, nazi rock, nazi. On va danser le. Nazi rock, nazi, nazi, nazi rock, nazi. On va danser le. Nazi rock, nazi. fais-le. Il y a des gens qui écoutent CKRL, Errance Canadienne, uniquement parce que c'est moi, puis ils me connaissent, puis ils veulent savoir « Hey, tu veux une émission de radio? » C'est maintenant, là. C'est le dimanche, c'est le lundi à minuit, ou si vous préférez, le dimanche à 23h59. Mais c'est pas des vrais auditeurs de CKRL, t'sais. Parce que si je dis aux véritables, aux élitistes, le 26, 27, 28 avril 2024, bon, j'ai plus rien d'autre à dire. Vous le savez, soyez généreux. Auto est une tata d'automne, pleine de tickets de toto, qui sont aux têtes de l'été. En se titillant les tétons et sa mitraille de fer. Elle s'est portée sur la tortore. Il se tape des tonnes de steak tartare. Puis autorité jette au teint. Son nez trop retrouve des dinettes. Son gros pétard pété sec. Et son gros pétard pété sec, ça pète sec. C'est pas le vide, c'est sec. C'est pas le vide, c'est sec. Sur le piano. Gainsbourg au piano, je vous jure. C'est lui. Saute dans toutes tes tortures, ta taille ayant tâté de tout. Auto fait l'état, ça t'attend. C'est un tout. Oui, mais question, tu t'attends. Une fois derrière, il fait. Qui m'écoutez uniquement parce que c'est moi puis que vous connaissez pas les autres émissions, je vous conseille fortement pour 25$, devenez membre de CKRL. Pour 25$, pour un an, vous pouvez aussi bénéficier de rabais. Lorsque vous allez devenir membre, on vous envoie votre carte de membre et vous allez savoir à quel endroit vous visitez le site de CKRL, c'est pas compliqué. Bon, ça prend quoi pour être membre de CKRL? Ben, ça demande deux choses. De l'intelligence et de l'aventure. Et aussi, on va mettre ça en troisième considération, c'est le plaisir de connaître autre chose que ce que l'on nous propose dans tous les circuits généraux. Et les généraux, général, généraux. Les généraux pétins, il y a le petit pétin, il y a le petit pétin. Il y a le moyen pétin, il y a le gros pétin, mais le gros pétin, il patine pas très bien, le gros pétin, mais il patine pas, lui. C'est un général. Fait qu'il généralise. Ah, mon... Non, la musique, là, c'est bon. Sauf si c'est pas du populaire, là, ça, c'est compliqué, hein. Pas évident quand c'est pas populaire. Parce que ça peut devenir impopulaire. Non, mais il y a autre chose. Il y a du folk, il y a du rock, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a de la musique folklorique, il y a de la musique baroque. tout ça se passe à CKRL. Et puis, j'en oublie. Rock, hein. Chanson française, Rénal Gagné. Mais moi, je ne suis pas juste chanson française. Excusez-moi. Non, hein? Non je... Oui, c'est parce que je... Ouais, je suis d'autre chose. Moi, je suis d'autre chose. Je suis la chanson Tout Azimut. J'aime bien ça. Ça me ressemble, moi, Tout Azimut. Ouais. Il y a deux choses que j'aime bien. Je me disais ça cette semaine. Je me dis des affaires tout seul, moi, là. Ah, mon... J'aime ça, être tout seul. Parce que tout seul, je suis plusieurs... Je me disais cette réflexion-là, c'est que moi, il y a deux mots que j'aime bien. C'est errance, pas à cause de mon mission. Et pour ça, je l'ai appelé comme ça, mais ça n'a rien à voir avec errance. Et puis, néant. Errance et néant. Ça se complète, ça, là. Parce que errance, c'est marcher sans aucun but. Et le néant, ben, tout est dans le néant. Il n'y a rien de spécifique dans le néant. Tout est à faire. Tout est à faire. Dans l'errance aussi, tout est à faire. On n'a rien planifié. On y va. On y va. Attends. Hein? Dans le néant. Pff, hey! Le monde est à nous. C'est KRL aussi. Alors le 26, 27, 28 avril, pour les gens qui vous branchez juste à cause de moi, ben c'est le Radioton. Alors, le Radioton, c'est intéressant pour plusieurs choses. Bon, de un, c'est pour subvenir aux besoins de la station de radio parce que ça coûte cher, une radio, tu sais, communautaire. Imaginez-vous une radio commerciale. Nous, on n'a pas beaucoup de pubs. Bon. Puis, si c'est de la pub, c'est de la pub humaniste. C'est pas de la pub, j'allais dire facile, voyons. Non, c'est facile. Mais non, c'est pas facile de la pub. Ça dépend. C'est pour venir en aide à nos semblables. Hein? On est là pour travailler à l'amélioration de la société. C'est KRL, c'est ça. Moi, quand je l'écoutais au début, là, hey, j'étais enfin. Ben, moi, je suis né en 1700. Non, ben, ça, c'est mon ancêtre. Moi, parce que j'ai été... Ensuite, réincarné. À l'heure où je vous parle, à l'âge que j'écoutais CKRL, puis il y avait beaucoup d'émissions expérimentales. De la musique de tôle, de la musique qui jouait nulle part, là. Il y avait des animateurs. Les animateurs étaient tellement... enflammé. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'enflammé. C'est plus enflammé, ce monde-là. C'est plus passionné. Ça veut tellement divulguer que par le fait d'en parler, de nous diffuser leurs chansons, leurs plaisirs, leurs histoires, ben, ça nous donne le goût d'aller plus loin. Le blues, le rock, la musique classique, la musique folklorique. Il m'en manquait. Punk, ben là, le punk, je mets ça dans le rock, le punk. Le punk? Le punk, oui. Moi, j'adore le ping-pong. Ah, moi, je suis rendu spécialiste, hein? Mais c'est sur mon petit cellulaire. Et si vous jouez là, au ping-pong, là, avec votre application cellulaire, là, si vous voyez Rénal, c'est moi. Je suis rendu à combien de points? Mais moi, je vais être franc avec vous, là. Moi, c'est, je suis rendu à 300 000 points, mais que j'ai gagné, là. OK? Ouais, je sais rien de gagner, mais j'ai gagné ça. Je ne les ai pas payés. J'ai pas payé parce que le monde peut payer pour avoir de l'argent. Mais c'est sûr que quand tu payes, tu as de l'argent, là, mais c'est cybernétique. Si tu donnes un montant, tu l'as sur ton compte de ping-pong. Mais moi, j'ai rien payé, 0$. J'ai uniquement joué et gagné. J'ai perdu aussi, là, mais si je suis rendu à 300 000 points, c'est parce que j'ai eu le plaisir de ne pas me... Jamais je mettrai une scène là-dedans, là. Hey, voyons donc. Pourquoi pas placer ça à l'endroit qui me passionne le plus que lorsque j'ouvre ma radio et j'entends des animateurs. J'en nommerai pas pour pas des... Je risque de faire des jaloux. Mais la fin de semaine, je suis plus branché la fin de semaine, là. Mais je vous dis, vous savez, mon émission chouchou... Oh, moi, vous le dire. Mais vous gardez ça juste pour vous. C'est les routes enchantées. Oh. Puis il y avait aussi, à un moment donné, dimanche, des émissions. Une émission animée par des enfants. Ah, oh, j'adorais ça. Il y avait le professeur qui était la titulaire. Hein? On va l'appeler la titulaire. La titulaire, puis la titulaire aimait tellement ça faire de la radio qu'elle a fait sa propre émission après l'émission des enfants. Ah, oh, c'était faible, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est dommage. Oh. Moustache, postiche, petite mèche, loustique, œil vache, bouche sèche, moche, riche, louche, speech. J'entends des voix off qui me disent. Je me dis bof. Hey, tout ça c'est du bluff. Hey, wow. Tout ça c'est du hey, bluff. C'est un joyeux, on connaît ça nous autres. Hey, j'entends des bof qui me disent. Hey, mais je me dis bof. Oh. Tout ça c'est du bluff. Vieux schnock, pauvre cloche, petit schmock, fou, perche, grosse miche, pauvre cruche, peau de druche, d'autriche. J'entends des voix off qui me disent. Mais je me dis bon, fait les enfants là. Oh, tout ça c'est du bluff. Oh, oh yeah, c'est du bluff. Mais j'entends des bof qui me disent. Mais je me dis bof. Tout ça c'est du bluff. Allez, instrumental. Guitare. Jimmy Bendix à la guitare, à bouche, Kate Bush. Grand lâche, type louche, grosse vache de basse souche, comme Fritz, sale chleu, mouche verte, Jérôme Bosch. J'entends des voix qui me disent. Tu gueules à la catastrophe. Mais je me dis bof. Hey, tout ça c'est du bluff, les enfants. Tout ça c'est du bluff. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais j'entends des voix qui me disent. Mais je me dis bof, oh yeah. Tout ça c'est du bluff. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Ouais, Madame Tremblay, ouais, j'ai fait votre gazon hier. Mais il y avait plus de neige que de gazon, hein. C'est bien beau de me demander des choses à faire, là. Mais le problème, c'est que je peux pas exécuter ce que vous me demandez si ça peut pas être exécutable. Vous comprenez-vous? C'est pas exécutable, ça, là. Là, vous auriez dû me dire, t'enlèves la couche de neige. OK? Tu mets de l'eau bénite, bénie par les dieux de notre Père de Jérusalem des Trois Beaux-Tours. Parce qu'aux Trois Beaux-Tours, là, ce qu'ils font, eux autres, là, c'est qu'ils mettent de la cire chaude dans leur eau avant de bénir l'eau. Et puis là, quand tu mets deux gouttes, ça fait fondre tout ce qui se passe là, dans les six pieds. En mètres, c'est combien de... 6 pieds, c'est combien de mètres, là? C'est... Oh, mon Dieu, c'est quoi? C'est 3 professeurs d'école, 2 mètres, et puis 2 directeurs d'école, hein? Non, c'est combien de mètres? 2 mètres, 3 mètres? En tout cas, peu importe. Peu importe le métrage. Le métrage, ça n'existe pas, le mot métrage, monsieur. Qu'est-ce qui existe? Ben, il y en a tellement de choses qui existent que... C'est plus facile de dire les vraies choses que d'inventer des choses. Mais si tu inventes des choses, mais là, entre guillemets... Ouais, mais là, l'émission est renseignée. Ce qu'on devrait dire au début, là, à minuit, là, ouvrir les guillemets. Là, tu peux dire plein de trucs, même si c'est pas vrai, tu sais, même si c'est pas dans l'univers francophone. Quand tu refermes tes guillemets à la fin, numéro 1, t'as dit des affaires étranges venues d'ailleurs, mais c'est toléré à cause des guillemets. Il y a Brigitte Fontaine qui a fait une chanson sur les guillemets. On vous la fera pas jouer, parce que c'est pas elle. C'est pas son tour. Eva M. Smoke gets in your eyes. Cette terre-là emmène au paradise. Lead off his holidays on ice. Eva M. Smoke gets in your eyes. Ah, comme parfois j'aimerais qu'elle aille se faire foutre avec. D'aigle, ses esprits aigles, rire jaillissent Elle me fait voir sa petite barbe de maïs. Je peux pas faire l'amour, mes nerfs me trahissent. Quand j'entends Smoke gets in your eyes, Eva aime Smoke gets in your eyes. Il faut que je casse ce disque avant que je la haïsse et que cet air américain m'envahit. Deux choses à vous dire. Pour ce segment-là, là, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, là, toutes les chansons que vous avez entendues, oh, puis où il y avait du piano, c'est Serge Gainsbourg. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore, il jouait du... Oh, mon Seigneur. Il jouait des mambo tout le temps. Il jouait du genre tout le temps. Et puis, le 26, 27, 28 avril 2024, c'est le Radioton de CKRL, et je vous conseille fortement de participer, de miser à l'encan. On y trouve des choses extraordinaires. Et moi, à chaque année, je rafle deux ou trois prix. Mais il faut miser plus élevé. C'est ça la mise. Ah, mon, c'est quoi l'encan? L'encan? L'encan où j'étais enfant. J'entendais la poule chanter. Elle chante pas, la poule. Elle fait brac, brac, brac, babot, babot, babot. Une poule babote pas. Voyons donc, toi, demande à ton enfant de 3 ans qu'est-ce que ça fait, la poule. La poule, ça cocotte. La petite cocotte, cocotte, cocotte, la poule. Qu'est-ce que ça fait, la cocotte? Il y a une chanson de Gainsbourg qui dit tout ça, hein? Oh oui, c'est vraiment la poule à cocotte. La poule, qu'est-ce qu'elle fait, la poule? Elle fait dur, elle fait d'autres. Si elle, si, non, mais des fois, elle est constipée, elle ne peut pas faire de poule. Elle ne peut pas faire de poule. Elle ne peut pas faire deux d'œufs, deux, dix, deux, deux, dix, dix. Dix, deux, deux, dix, dix, dix, dix. Donc, bouge-les, c'est tellement bon. Non, elle ne peut pas faire d'œufs. Ah non, elle peut, neuf, dix, onze, pas capable. La poule... le cri de la poule. Bon, le cri de la poule. Mais là, dire un cri, la poule ne crie pas, sauf si elle se fait couper la tête. C'est une poule pas de tête. Bon, l'animal en action. Bon, le coq chante. Si on s'en balance, là. Ah, la poule coquette. Caquette, claquette. Ah, OK, il y a plusieurs termes. OK. Qu'est-ce qu'a fait la poule? Ben, elle caquette, elle claquette, ou à glousse. Là, je connaissais glousse, là. Avez-vous des glousses d'ail? Oui, pas trop. Oui, pour éviter la sorcière bien-aimée. Elle est bien-aimée, mais pas chez nous. Ah non, ah, non, ma femme a bien peur des... Ah oui, elle a peur des sorcières. Mais parce que sa belle-mère, c'est une sorcière. Ben oui, parce qu'elle a été ensorcelée par... vous connaissez le film Exorciste? Le curé dans Exorciste? Ben, il s'est, à un moment donné, il s'est amouraché de... Puis, il est arrivé que... Ouais, on ne peut pas aller plus loin là-dessus. Et puis, elle claquette. Ben oui, claquette. Fred Astaire claquettait aussi. Il jouait de la claquette. Puis, c'était une poule. Puis, caquette. Ouais, il fait froid cet hiver. cache ta caquette. Fait que c'est ça. Le coq chante, ça. Crigui, je t'appelle Iggy. Ça, il chante. Et puis, Coqueline, hey, le coq Coqueline. Je connais Coqueline, oui, puis elle Coqueline pas. Ah, mon Dieu. Hey, non, elle est dure, sa savoureuse, elle. Elle a la savoureuse tellement épaisse qu'on essaie de la tourner, on casse des morceaux. Puis on n'ose plus rentrer en main parce qu'on hey, on se cassait les poignets, puis on se cassait, ah, on se cassait la tête. Elle se dit comment enlever le poignet là-dedans, tu sais, puis ah, la peau s'étirait, le poignet restait dedans, tu sais. Fait que là, on s'est dit, avec toute la chair, ça va nous amputer. Hey, juste pour ça, là, on avait la chienne, on rentrait ça dedans, puis on attendait que ça passe. Puis là, ça se passait pas, ça se solidifiait. Je sais pas ce que ça veut dire, là, mais ça veut dire que Mais je pouvais plus sortir le bras. On pouvait plus, pas moi, là, mais on pouvait plus sortir le bras. Mais là, la poule, c'est pas compliqué, la poule. C'est tellement doux, une poule. Mais mon Dieu Seigneur, tu coupes ça. Non, mais quand tu coupes la tête, ça fait plus de bruit. Mais il faut que tu mettes la petite tête là, dans ton petit dessous de bras, puis ça claquette en dessous des aisselles. Ça t'arrache quelques poils. C'est pas pire, ça. Si ton rasoir, il va pas, la poule, elle va te l'arracher, elle. Et puis ça claquette, puis ça glousse. Mais je préfère glousser. Chérie, ce soir, là, je t'invite. Nous allons ensemble glousser en dessous des draps. Wouh! Glousser en dessous des draps. Ah, mon amour. Sexy. Zigzag avec toi. Et lorsque ton corps zigzague. Zigzag. Toi et moi. Zigzag. Ma cœur et moi. Zigzag. Oui, je t'aime. J'aime ton petit corps blême. Zigzag. Toi et moi. Zigzag. Oh, quel émoi. Big B. Je vois grand. N'est-ce pas que je suis un bon zig. Big B. C'est pour toi. Big B. Quel émoi. Big B. Mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Big B. C'est pour toi. Big B. Quel émoi. Et allez l'orchestre. Avec toi, et lorsque ton corps zigzague, zigzag, toi et moi, zigzag, quel émoi, zigzag, oui je t'aime, j'aime tes petits seins blêmes, zigzag, toi et moi, zigzag, quel émoi, je vois grand. N'est-ce pas que je suis un bon zèbre? Big B. C'est pour toi. Big B. Quel émoi. Big B. Mon amour est si grand que j'en fais pas le tour. Big B. C'est pour toi. Big B. Quel émoi. Attention, tout le monde danse. Hein? Big B. Le voir, n'est-ce pas que je suis un bon zèbre. Sexy. Big B. C'est Big B. Oh, toi et moi. Big B. feu brun autour. Big Big, c'est pour toi. Big Big, oh, que moi. Et tout le monde danse. Attention, ça va barder. Ça va faire mal. J'ai eu cette illumination. Alors, savez-vous ce qui s'est passé? M'en va vous relater l'histoire. À la fin du mois de février, 28, parce qu'il y en a juste 28 dans le mois de février, imaginez-vous ceux qui font des photographies pour les calendriers de personnes, disons de vedettes, OK? De méga vedettes. Et puis, tu apparais, toi, au mois de février, puis t'es un peu névrotique. Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis... là, ils m'aiment pas beaucoup, hein? C'est le mois le moins long. Ils me verront pas souvent sur le calendrier. C'est peut-être la fin de ma carrière. Je vais tomber ailleurs, dans l'anonymat le plus profond. Ça fait mal. Mais non, c'est pas ça le concept. Parce que tu t'appelles François Le Farandol, le grand musicien sonore, parce que t'es un des rares musiciens sonores, mon champion, hein? Puis on compte tellement sur toi. Tu fais des belles mélopées, des belles mélodies, des beaux refrains, ça, c'est accrocheur. On se fait accrocher souvent parce que hey, tu vises pas ça, ça peut devenir violent. Et puis toi, c'est de la variété métal, hein? Au début, c'est de la variété, puis ça chavire, on peut dire, dans le message en vente au Jane, ça chavire, hein, ça se transforme. On sent la mutation. C'est exagéré? Bon. Et puis, le mois de février, mais c'est parce que ça commence par F. F pour février et pour ton nom. Donc, on a associé les deux. C'est pas parce que c'est moins le mois le moins long, ne t'en fais pas. Ta carrière est florissante. Tu continues à semer. Nous allons te cueillir à la centrale de police. Oh, on te connaît, oui. On sait comment tu fais des belles chansons. Oh. On sait comment ça fonctionne ta transe, toi. Oh. On garde des petits secrets. Tu devrais me placer ça en bonus, là, tu sais, parce que les disques se vendent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien d'alléchant. Quand moi, je veux m'acheter un album, pourquoi je me le procure? De un, il y a le CD, ça c'est certain. Il y a aussi le DVD qui montre l'enregistrement de l'artiste. Ça me passionne, ça m'intéresse. Je me suis procuré le coffret de Brigitte Fontaine. Puis tu la vois entourée de Souchon. Tout ça. Mais c'est des chansons en duo. Bon, tout le monde veut faire ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, je veux tout faire sauf du duo. Ah, c'est du duo. On veut-tu rien savoir de... On est dans son monde, là. On est un créateur, donc on doit rester fidèle à ce que l'on est. À ce qu'on veut redonner. Ce qu'on veut projeter devant le public. Je vais vous raconter une petite anecdote savoureuse. Après ça, je vais monter au mois de février. Faites-vous-en pas l'anecdote, je m'en souviens. C'était une tournée d'été, festival. C'est un festival estival. Et il y avait deux roulottes. Parce qu'il y avait plusieurs artistes invités. C'est vrai, là. Ce que je vous raconte, c'est vrai. C'est pas des blagues. C'est pas de l'invention. C'est pas de la création. Oui, je vous crée ça, mais c'est véridique. Alors, il y a deux roulottes. Mais plusieurs, mais moi, on va en éclairer deux, OK? Il y a Nick Cave et son groupe de baptise, OK? Nick Cave et la baptise qui sont dans une roulotte. Et un petit peu plus loin, il y a Iggy Pop. Sans les Stooges, là, les Iggy Pop, tout nu. Tout nu. Ah, il était bien tout nu, lui. Ah, il est tout nu. La brindille, il est heureux, le spontané à la main. Oh. Et puis, donc, le spectacle a lieu. Les musiciens ben, retournent dans les roulottes, là, puis parlent un peu du show. Puis tout le monde a quitté en quelques secondes celle de Nick Cave. C'est ennuyeux. Puis Iggy Pop, lui, c'était festif, ça roulait, les gens s'amusaient, ça riait, ça parlait de création, de musique, de ce qu'ils avaient vu. Et l'autre Nicky, lui, a prendre une petite tisane. Je vais tremper ma salade dans tisane. Hein, c'est bon pour la santé. Oh mon Dieu. Pouvez-vous me mettre 2 gouttes de whisky dans tisane? Parce que je suis renommé pour être alcoolique. Moi, je suis Nick Cave. Nick Cave. Nick Cave. Nick Cave. Nick Cave. Non, ça saute pas, madame. Changez pas de cassette. C'est pas des cassettes, nous autres, c'est du numérique. Mais vous m'avez vu dans l'excellent film de Wim Wenders, Les ailes du désir. Avez-vous vu ça, Les ailes du désir, madame? Les ailes du désir. Désir. Désirer ou désirer. Mais les ailes, les ailes, les ailes. Comme un, l'aigle, ouais, comme l'aigle noir de Barbara, là. Mais pas de Barbara, puis pas d'aigle, là. J'ai jamais vu ça? Voyons donc! Je connais dans une boîte de Soho une nommée Pamela Popo. Une de ces petites nanas dont la peau est plus noire qu'un conte d'Edgar Allan Poe. Pamela Popo. Sur une musique de rococo, cette petite Pamela Popo a mis au point ses numéros de striptease à vous faire froid dans le dos. Pamela Popo. Retire d'abord un maillot de corps sur lequel est marqué Pamela Popo en lettres d'or. Et sans un mot, elle esquisse le slow. Pamela Popo. Après quoi Lolo a l'air, Pamela Popo se met à soupirer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pamela Popo. Enfin, on tamise les projos. Pamela Popo, qui, de dos, baisse sa culotte, petit négro. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Là, j'arrive chez moi, il est 23h45, dans l'autobus, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Comment j'ai écrit ça? Comment est-ce que c'est avec un trait d'union, pas de trait d'union? Là? Collé, pas collé, majuscule, minuscule, où j'ai placé les minuscules? Je m'en souvenais plus! Là, j'ai dit, on va rester zen. Descends en bas, parce que je reste en bas. Arrive à mon ordinateur. La seule chose que je voulais, c'est que mon ordinateur fonctionne. Qu'il n'y ait pas de problème technique. Des fois, j'arrive là, puis il y a le nœud noir. Puis là, je dois redémarrer l'ordinateur. Puis c'est long, puis il y a eu des affaires pendant que j'étais absent. Puis, oh mon Dieu. Mais non, ça a bien été. L'ordinateur était... préparé, hein, sans le savoir. Il était prêt. Il fumait sa cigarette. Hey, je t'attendais, toi, là, là. Hey, tu sais que t'as jusqu'à minuit. Ah ouais, hey, calme-toi. Parce que moi, mes ordinateurs fonctionnent, me parlent. Moi. Ils rentrent en communication avec moi. Moi, Naked Lunch, là, c'est pas surréaliste, c'est ma vie. Et puis, Naked Lunch de William Burroughs. Le festin nu, William Burroughs. Livre qui a été confisqué lors de sa sortie, que l'on prêtait sous le manteau, que l'on donnait sous le manteau. Il a été dit ça. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé sur le marché. Là. On dit des affaires intéressantes. Là. Fait que là, ils ont passé ça sur le manteau. Naked Lunch. le dactylo qui parle, l'exterminateur, tu sais, ce monde-là, là, ce univers-là. En tout cas, là, mon ordinateur fumait sa cigarette et hey, moi, je suis prêt, là. Mais j'ai jamais été exterminateur, moi. Je mange juste du fromage qui ne doit même plus être mangé, être consommé. Puis on dirait qu'il y a des enzymes qui travaillent plus que d'autres. Puis là, quand tu manges ça, c'est le cortex cérénal. Cérénal ici. C'est rénal gang. Oui. Oui, monsieur l'agent. Je marchais trop vite. Oui, mais je veux juste vous... Monsieur l'agent, laissez-moi parler. Je dois me rendre à la maison, à mon domicile. J'ai eu deux petites côtes à mon... La deuxième côte est quand même assez abrupte. Et puis, il me reste après 15 minutes pour me procurer des rires. Des régimes d'épargne retraite. Je marchais trop vite. Vous ne me donnerez pas une contravention parce que je marchais trop rapidement. Je peux vous dire pourquoi je marchais trop rapidement. C'est pour mes d'épargne retraite. Pensez que je vais prendre ma retraite avant 60. Ben, j'espère la prendre à 60 piles, moi, monsieur l'agent. Je suis un gars honnête. Puis je me suis fait arrêter l'année dernière, mais ça, c'était pour un incident mineur. Pas auprès des mineurs, monsieur le maillon d'or. Regardez mon dossier, là. Je vais vous dire. Oui. Ben, ouais. Exactement. Eh oui, je fais de la radio. Oui, sur ce que vous connaissez. Oh, ben oui, je suis en place, toi, mon petit crotté! Oh! Hey, peux-tu m'amener chez moi? Parce que, hey, là, il me reste à peu près 11 minutes. Je te parle pas trop, là. Donne-moi ton numéro de téléphone, on va aller se manger. Je vais te payer. Voyons donc. Je suis en état de sobriété avancée, monsieur, mon José. On peut continuer à se tutoyer, mon José? Bon, fait que ramène-moi à mon domicile, là. Tu serais bien gentil, je sais que vous n'êtes pas des taxis, vous dites ça à tout le monde, hein, quand il fout dans deux poubelles, tu dis, ah non, on n'est pas des taxis, bon, hein. Mais, hey, on est des fidèles. Je t'ai aidé dans plusieurs causes, mon champion, tu te souviens? J'ai été un délateur numéro un. Non, j'ai été reconnu non coupable. Je vous ai aidé dans ce, à améliorer là, ce qui se passe aux Alimoilou. C'est un peu à cause de moi, M. José. Je peux pas dire votre nom. On va regarder le prénom José, OK? Il y en a pas beaucoup de José, là. Hein? Bon, ça fait que... Pouvez-vous... peux-tu me monter, s'il vous plaît? Monte-moi ça. Parce que j'ai deux buts. À pied, j'en ai pour 5-6 minutes. Mais là, je te parle depuis 3-4 minutes. Puis le temps s'achève. Mon temps loué. Hey, moi aussi, ça fait plaisir de. Hey, t'es rendu quoi? Tu devais pas être en vélo, toi, là? Faire de la police en vélo? Ouais, c'est vrai que c'est l'hiver, là, mais. Ouais. Puis tes enfants vont bien. T'en as trois. Ah, mais le quatrième, j'espère que non. Avec la même femme. Hey, toi, t'es un gars fidèle, là. Hey, peux-tu monter, s'il vous plaît? Ouais. Hey, merci. Mais je peux pas ouvrir la porte. Est-ce que tu dois me mettre les menottes pour embarquer là-dedans, toi? Non, je peux pas être du côté passager. Je dois aller en arrière comme des... Il y a personne qui a été malade là-dedans, là. L'hygiène est quand même impeccable. Est-ce que vous nettoyez vos voitures à chaque fois que vous vous envoyez au poste de police des malencontreux? Des godilles de la société? Des moins que rien? Des pueurs la musette? Des pauvres lécheurs de vite? Des chercheurs de réverbères, des péteurs de brou, des chanteuses à trois octaves. Tu connais? Peux-tu m'amener, là? J'ai pas le temps. Si je l'ai pas à soi, je pense que je vais mettre fin à ma vie. Peux-tu appeler l'ambulance en même temps? Stationnez-vous vis-à-vis de ma maison. Moi, je reste pas en appartement. Ben non, voyons donc, je suis propriétaire, moi. Propriétaire terrien. Hein? Terrien. Mais je suis aussi propriétaire souterrain. J'ai deux maisons avec les Elohim. Les intraterrestres. J'ai une maison en haut. Avec les extraterrestres. J'ai trois maisons aussi dans mon cerveau. où je vais communiquer régulièrement avec mes agents, tu sais, parce que j'ai engagé des pseudo-humoristes là, qui me composent des petits textes comme ça. Moi, je les rencontre dans mon cerveau. J'ai trois maisons, mais ils sont pas éclairés. Sais-tu pourquoi? Parce que quand j'entre dans le studio, ben, c'est moi qui éclaire tout le monde. Peux-tu monter chez nous, s'il vous plaît? Merci beaucoup, t'es sympathique. Tu m'ouvres la porte. Je me croirais, hein? Un premier ministre. Ouais, qui parle. C'est sûr qu'un premier ministre en arrière d'une voiture de police. Et puis, hey, ça serait bien gentil là, que tu fasses tourner tes voyons, c'est en état de sobriété avancée. Moi, vous dire pourquoi j'ai pris trois verres d'eau pour me. Parce que je sais qu'en prenant trois verres d'eau, je vais avoir envie d'uriner. Donc, plus j'ai envie d'uriner, plus je vais arriver chez moi rapidement. J'ai l'air d'un fou, hein? Mais je suis pire que ça dans la vie! Mais pouvez-vous m'amener petit? José a marié, José a donné, un jour va se marier! Ben, il est déjà marié, il a trois enfants, des beaux enfants, oh mon Dieu! Et puis sa femme, ravissante, intelligente, je les connais, on est des amis sincères, il veut pas que je dise ça en nom, mais c'est pas grave. Et donc. C'est un rubens, c'est une hippopotame avec un dé comme dans Marshmallow. Et si j'en passe pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. Ah, quel suspense sur mon hippopotame avec un dé comme dans Vasimolo. Les ressorts grincent sous l'hippopotame, mais au-dessus je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire, cet hippopotame, avec un dé comme dans Gigolo. Lorsqu'elle me coince mon hippopotame entre ses deux groseilles à macro, puis elle se rince vite fait l'hippopotame avec un dé comme dans lavabo. Elle redevient princesse hippopotame et me refile mon petit cadeau. C'est un rubens, c'est une hippopotame avec un dé comme dans Marshmallow. Si j'en passe pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. Aujourd'hui, ah, un homme, un auteur, compositeur, interprète, un journaliste, un artiste dans tous les sens du terme, Nicolas Vidal. Alors à toi l'ami. Lié au canal de Lourdes près duquel je vis depuis quelques années au centre de Paris. L'ado s'est attardé, Vanessa Paradis a elle aussi bien grandi. Moi et mes amis avons tous un peu vieilli. J'ai arraché du mur toutes les photos pour assumer ma nudité de sombrero. Il est bientôt 30 ans. Je me réveille, il est encore temps d'arrêter la veille. Avant que tant d'années n'éveillent en moi le temps du grand sommeil. Béatrice Dahl n'est plus pour moi la famille des Halles. Je suis enfin fier de n'être que Monsieur Vidal. Même si mon humeur me fait parfois renoncer à mes rêves d'enfant légèrement écorchés. Michael Hutchins, Martin Gore versus Robert Smith, la noirceur de mes idoles me rend un peu triste. Finalement, peut-être qu'un peu de légèreté ferait du bien à cet homme que je trouve engoncé. Il est bientôt 30 ans. 30 ans avec un peu de ventre et quelques cheveux blancs. L'illusion de s'éclater dans les soirées techno. Allons-nous tous vieillir aussi bien qu'Étienne Dao. Ça va, Nicolas? Ça va, et toi? Ben oui! Ça fait plaisir depuis ben oui. tout ce temps. Ben, depuis la piscine. C'est ça. C'est ça. On n'est jamais sorti de l'eau? Jamais. Ben non, elle est bonne. Ben oui, elle est bonne. Ben oui, elle est bonne, mais surtout, je vais m'installer. Ben avant, oui, installe-toi, vas-y. On va se calmer un peu, là. Installe-toi. Et là, j'arrive du 9e à pied. D'accord. Je suis allé voir, tu dois connaître, Claude Lemels. Oui, tout à fait. OK. Alors, je le connais pas personnellement, mais... OK. Ouais. Un parolier prolifique. Oui. Et 130 chansons pour Joe Dassin. Ben ouais, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être là. Ouais. Et, mais là, Google m'a placé dans des chemins inusités. Ah, ah oui, d'accord. Et là, heureusement que je sais prospecter pour la bonne personne qui va m'aider et non pas me nuire. Ah, la oui, seule oui, personne oui, qui oui, m'a oui. causé du trouble, c'est un tenancier d'un bordel ouais. à Pigalle. Là, il m'a dit, tu en as pour une heure. C'est impossible. Ça ne peut pas être plus que 15 minutes. C'est ça. Bon. Et puis là, j'ai appelé une bonne amie qui reste tout près là, de Blanche. Ouais. Et ben là, j'ai pas vraiment suivi son trajet, mais là, il y a quelqu'un qui m'a récupéré. Qui t'a guidé. C'est ça, voilà. Ah, ouais, ouais. Mais trois personnes qui m'ont vraiment aidé. Mais parce que c'est pas si je te dis, la rue Moscou. Moi, je connais pas très bien le 9e, en fait. C'est pas trop mes quartiers. Mais c'est à côté. Hein. Ouais, c'est ça. 5 minutes à pied. Ouais, ben voilà. Et tu rentres directement dans. Mais c'est où, toi, tes quartiers? Alors, moi, j'habite dans le 19e arrondissement. Je suis vers le parc de la Villette. Je sais pas okay, si tu oui, vois. Ben oui, ben voilà. Ben oui. Enfin, juste en face de la Philharmonie. OK. Tu vois? OK. Voilà. Bon, j'ai récupéré. C'est un camarade. Non, mais il l'a dit de côté. J'ai pas lu le côté. J'ai retiré ce mot-là. Qui Qu'est-ce que vous voulez boire? Toi? Ben moi, je vais boire. C'est l'heure de l'apéro. Ben, moi, je vais boire oui. une bière. J'ai la bière sur la table, si vous voulez. Ouais, parfait. Ouais. Mais moi, je vais prendre un chinon. Un petit? Oh oui. Moitié. Moitié. Un vin. Un vin. 20 centilitres. Oui, 20 centilitres. D'accord, merci. Ouais, moi je suis vers de bah oui dans le 19e quoi, vers okay. Le métro Porte de Pantin. Oui. Mais lorsqu'on s'est rencontrés, tu terminais un webzine. Ouais. Mais tu l'as jamais terminé. Mais si, il est en ligne, Faces oui, Zine. Oui, oui. Ah il oui, est tu en veux ligne. Dire que je l'ai terminé, que j'allais l'arrêter? Oui. Ouais, bah non, je l'ai pas arrêté. Ben non, pourquoi? Bah parce que j'aime bien discuter avec les gens. Comme moi. Voilà. Non, non, après, j'ai ralenti un petit peu la cadence, par contre. OK. Parce que bah, au moment où on s'était rencontrés, je sortais mon disque. Donc, oui. Donc du coup, Bleu j'avais... Piscine. Voilà, Bleu Piscine. Donc, j'avais moins de temps à y consacrer. Et puis, j'ai quand même continué. Voilà. Donc, mais maintenant, je le fais vraiment quand j'ai envie, en fait. J'ai un petit peu développé la partie... on va dire où je fais pas forcément des interviews, je fais plus des articles, des choses comme ça, et parce que finalement c'est les interviews qui prennent le plus de temps. Ouais. Enfin, à la radio ouais. ça va, t'enregistres, ouais, mais c'est très facile, à la presse écrite tu dois ouais. dérocher. Ouais. Enfin, écrite, oui, bah oui, internet c'est de l'écrit, donc du coup. Mais tu peux utiliser Google et parler. Ah non, ça marche pas. Okay. Okay. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup d'erreurs. Oh, mais tu repasses après, au moins... Oui, mais ça me prend plus de temps de repasser, parce que ouais. du coup, ça fait des fautes d'orthographe. Oui. Puis ça, quelquefois, quand c'est deux voix qui sont assez proches, ça prend pas, ça s'arrête pas, enfin, c'est compliqué. J'ai essayé vraiment okay. mais, de trouver un outil qui me permettrait de le faire. Mais comme j'aime bien faire des interviews assez longues, c'est vrai que... voilà, donc... mais je le fais encore quand même très volontiers. Ouais. Et puis de toujours la partie photo, qui était aussi très importante pour moi. Comment tu recrutes tes invités? Alors vraiment par coup de cœur maintenant. Avant j'essayais. Alors en fait au tout début où j'ai créé Faces, c'était vraiment à l'envie. Je contactais vraiment des artistes hors promotion. Le calendrier promotionnel m'intéressait peu. J'aimais bien même justement faire des interviews hors promo parce que souvent ouais. Les gens sont plus disponibles et puis on n'est pas obligé de parler que de l'actualité. Du moment. Ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont rien à perdre. Et puis du coup, ils ont plus de temps. Du coup, ça, j'aimais bien faire ça. Après, quand tu es un petit peu identifié par les attachés de presse, par les artistes, de fait, tu rentres un petit peu dans un calendrier promotionnel. Et du coup, moi, par moments, ça me frustrait un peu. Parce qu'on te dit, tu peux avoir que tant de temps. Et puis, il faut vite faire les photos. On n'a pas le temps parce que ça s'enchaîne et tout ça. Surtout pour les artistes qui sont déjà un petit peu connus. Donc ça m'intéresse moins parce que j'aime moins rentrer là-dedans. Donc maintenant, je recommence à faire vraiment, quand j'ai envie, avec les artistes qui m'intéressent. Alors, s'il y a une actualité, bah, très bien, mais si on n'a pas, c'est pas grave. Mais quoi, tu reçois des disques, tu reçois... Oui, tu reçois des liens, évidemment. Maintenant, c'est des liens que tu reçois. Après, moi, dans Faces, c'est vrai que je suis arrivé à un moment... Mais comment tu t'es annoncé pour recevoir des liens? Oh bah, très vite, t'as pas besoin, les attachés de presse t'identifient très vite. Hein. Okay. Même des gens que j'ai jamais rencontrés, entre les réseaux sociaux et les mails, tu reçois tout le temps des demandes. Quoi. Okay. Et comme c'est vrai qu'en plus, moi, je fais pas tellement de... Je fais pas... tout le monde a sa chance. Si quelqu'un qui a juste fait un EP, si l'EP me plaît... par exemple, un des premiers artistes que j'avais interviewé, c'était un artiste québécois qui s'appelle Dilarama, je ne sais pas si tu connais, qui fait de la pop, et qui était venu à Paris, et je l'avais interviewé, par exemple, alors qu'en France... merci beaucoup. Vous voulez un cendrier ? Merci. Moi, je ne filme pas, mais... Ouais. Alors, merci. Voilà. Merci. Bon, bah, chin, hein ? Mais oui, bah oui. À la musique. À la musique. Voilà, c'est ça, je cherchais à la musique. Et en fait, très vite, n'importe qui peut me contacter, quoi. En fait, j'ai pas de voilà. Alors après, quand quelqu'un me contacte juste pour un single ou un clip, c'est plus difficile parce que si tu veux faire des vrais portraits des personnes, c'est quand même bien. Alors après, les personnes peuvent avoir un parcours en dehors de la musique très intéressant, mais qui est pas forcément donc après, vraiment, je fais... oui, alors c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est qu'au départ, j'ai quand même interviewé une certaine scène musicale, qui est plutôt la scène pop qui a émergé il y a 5-6 ans, et que du coup... Bah, quelques noms. Bah, dans cette scène, ça peut aller de Cléa Vincent à Bertrand Burgala, enfin lui, ça fait un peu plus longtemps, mais... Il y a même son étiquette de disque. Voilà, Tricatel, Jean Felzin, tout seul ou avec le duo qu'il avait formé avec Joe Edine. Donc voilà. As-tu déjà rencontré Pierre Fa? Bien sûr, okay. Oui, on est amis avec Pierre. Oui, je sais, c'est grâce à lui si on se rend. Tout à fait. Ben oui, Pierre connaît tellement de monde. Bah, Pierre, en fait, ça a été un des premiers que j'ai interviewé parce qu'au début où j'ai lancé le site internet, j'ai d'abord commencé par mes copains, copines. Très proche. Voilà, pour déjà tester le format, voir si ça. Et c'était donc, le premier cobaye. Alors, il n'a pas été le tout premier, il a été le deuxième ou le troisième. La toute première, c'était une chanteuse qui malheureusement a arrêté de faire de la musique, mais qui avait un projet qui s'appelait Une femme mariée. Je la connais, je l'ai rencontrée. Constance Petrelli, ben oui. Avec qui j'ai fait moi de la musique. On a écrit des chansons, notamment sur Bleu Piscine. Et c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés. Exactement. Et on a écrit ensemble des chansons pour un album d'Emma Solal. Oui, que j'ai rencontré aussi. Exactement. Et du coup, Constance a vraiment été la première. C'est elle que j'ai testée. Elle a arrêté la musique, ouais. Mais il y a beaucoup de gens, hein, malheureusement, c'est dur. Hein. C'est dur, ouais. Et voilà, j'avais aussi vu Pascal Borel. Je ne sais pas si tu connais, qui est une chanteuse. Pascal Borel. Elle avait un groupe dans les années 80 qui s'appelait Mikado. Non. Voilà, et qui continue à faire une carrière hyper intéressante, qui sort régulièrement des albums de pop. Voilà, donc j'avais commencé par des gens que je connaissais, et après j'ai ouvert à des artistes que je connaissais pas. Une fois que tu t'es réchauffé avec ces gens-là, et que tu as pris assurance, si tu croyais à ton... Jouir de la vie sans entrave, avec un pain de sumoiré, jurer à la saison des braves, de ne jamais s'ennuyer, déclarer à la littérature son unique fidélité, puis inspirer des murmures à la faune électrisée. Voilà un été dandy à digérer tes frasques. Nous, valet tes dandies, immaculé, fantasque, surprenant, et tes dandies, élégant, iconoclaste. La fin d'un été dandie, sexuel, rude et vaste. Fou, amoureux de l'amour, comme les gens du quotidien, et juger la vie à la cour, indispensable au venin, aérer son esprit. Acérer le soleil comme l'ombre nécessaire, prendre ce qui est suggéré pour un pouvoir éphémère. des dandys immaculés, fantasques, surprenants, et des dandys élégants, iconoclastes. La fin d'un été dandy, sexuel, rude et vaste. Voilà un été dandy à digérer tes frasques. Nous, valet des dandys immaculés, fantasques, surprenants, été dandy, élégants, iconoclastes. La fin d'un été dandy, sexuel, rude et vaste. Mais toi, du côté musical, de ton côté, est-ce que tu as continué ou si c'est à faire de la encore musique? Dans la piscine? Ou? Non, bah, je viens de sortir un disque de reprise qui s'appelle Ma mère s'appelle Françoise. Françoise Hardy? Non, Françoise Sagan. Ok, ah. Voilà. Qui en fait a écrit des chansons et on le sait pas forcément. Ben écoute, Jeanne Moreau en a chanté. Jeanne Moreau, ah peut-être. Oui. Juliette Gréco en tout Gréco, cas, c'est oui. sûr. Oui. Régine. Après, moi j'ai choisi 10 titres en fait. Ah, c'est Marguerite Duras, excuse-moi, Jeanne. Oui, c'est Marguerite Duras, c'est ça, ouais. Ouais. Okay. Et en fait, et donc voilà, donc j'ai quand même. Mais ça, c'est un projet qui était un projet un peu parallèle, on va dire, parce que je ne suis ni auteur ni compositeur dans l'album, je suis juste interprète. On t'a approché pour faire la voix. En fait, non, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Okay. En fait, il se trouve que via Faces, Zine, ouais. En discutant avec beaucoup d'artistes, notamment des chanteuses, je me suis aperçu que Françoise Sagan était quelqu'un qui comptait énormément en fait, pour les gens qui faisaient de la musique. Alors, je ne sais pas si c'est via son écriture ou si c'est plus parce qu'elle représente... De quelle génération tu parles, hein? De la génération actuelle, okay. Des jeunes chanteuses... 20-30 ans. Ouais, voilà, par exemple... Et puis je retrouvais dans certaines chanteuses que j'aime moi aujourd'hui des choses, notamment il y a une chanteuse qui s'appelle Alexia Grady, je ne sais pas si tu connais, qui a sorti un album l'année dernière que j'adore et qui voilà qui me faisait penser en tout cas dans son écriture de chansons à des choses que pouvait faire Sagan. Cléa Vincent m'avait parlé aussi de François Sagan. Enfin, et puis à un moment donné, j'avais envie de faire un projet autour de François Sagan. Et puis je me suis rappelé qu'elle avait écrit pour Juliette Gréco. Donc je me suis dit tiens, je vais me pencher un petit peu. Je savais qu'elle avait écrit une chanson pour Johnny Hallyday, pour quelques personnes. Voyons. Ouais, il y a une chanson qui s'appelle Quelques cris. Quelques cris. Ouais, c'est David Hallyday qui avait fait la musique. Dans les années 80, 90, je pense, pour l'album 100%. Ok. Alors je sais pas exactement de quand il date. Mais je vais aller chercher. Et voilà, et du coup, j'ai commencé à chercher ce qu'elle avait écrit. Et en fait, il se trouve qu'elle avait écrit plein de chansons. Même pour Johnny, est-ce que c'est bon? Alors, moi, la version... En fait, oui, la chanson est bonne. Chantée par Johnny. Bah, alors moi, pour être tout à fait honnête, c'est pas... Moi non plus, ma tasse de thé. Voilà, parce que c'est une chanson très grandiloquente. Okay. Mais en fait, une fois qu'on enlève... qu'on est pur, en fait, la mélodie est magnifique. Et David Hallyday, c'est plutôt un bon compositeur de chansons. David Hallyday, oui. Son fils. Oui, le fils, ouais. Ouais. Franchement, ah, où tu trouves ? Bah, en tout cas, moi je trouve qu'il y a des choses que... En tout cas, cette chanson, je la trouve assez belle, en fait. Et puis, en cherchant, je me suis aperçu qu'elle avait écrit donc, plusieurs chansons pour Juliette Gréco, pour Mouloudji, pour Annabelle Buffet, pour Dalida, pour... voilà, il y avait plein de chansons qui existaient. Comme Claude Lemaire. Voilà. C'est fou. Et en fait, j'ai dit, bah, pourquoi pas lui rendre hommage en musique, plutôt que... Parce que c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire, on peut faire un spectacle autour de ses textes, autour de ses écrits, de ses romans, de ses articles, de ses pièces de théâtre. J'ai dit, en chanson, en fait, ça n'a pas, à ma connaissance, en tout cas, il y a Caroline Loeb qui avait fait un spectacle sur Sagan et qui a fait un album, mais où elle reprend une chanson de François Sagan qui s'appelle Sans vous aimer, qui a été chantée par Juliette Gréco. Mais sinon, je pense que c'était des chansons plutôt inspirées par Sagan. C'est des créations originales. Et j'ai dit, bah, moi, je vais reprendre les chansons telles quelles, on va les réarranger. Et du coup, j'ai travaillé sur ce projet avec un musicien qui s'appelle Nicky de Miller, qui a sorti un premier album l'année dernière aussi, que j'avais rencontré via Faces, et à qui j'avais, en discutant, j'avais dit que j'avais ce projet. Et lui, qui est arrangeur, qui écrit beaucoup pour le cinéma aussi, m'avait dit, mais moi, ça m'intéresserait de... Voilà, il a écouté, je lui ai envoyé les chansons originales, et moi, je ne me sentais pas de les arranger moi, parce que c'était des chansons très jazz, très années 50. Et du coup, on a travaillé tous les deux sur ce disque. qui est sorti là en juin. Est-ce que tu vas m'envoyer le lien? Ah ben bien sûr. Ok, parfait. Bien sûr. Ok. Mais là, est-ce que c'est sorti sur la pastille aussi ou c'est juste sur Internet? C'est juste sur Internet pour l'instant. Ok, parfait. Parce que du coup, j'avais envie de le sortir. En fait, c'est un projet qui est terminé depuis assez longtemps. On a fini l'album il y a un an et demi à peu près. Mais je trouvais pas le temps de le sortir. Et c'est vrai que l'industrie musicale est compliquée en ce moment, donc c'est très difficile. Ça a toujours été compliqué. Ça a toujours été compliqué, mais là, il y a quand même de moins en moins de place. Enfin, en fait, je ne sais pas s'il y a plus d'artistes qu'avant, ce qui est sûr en tout cas, parce que les moyens de faire de la musique se sont tellement démocratisés que tout le monde peut en faire. Il y a de moins en moins de médias, on va dire, traditionnels, ou en tout cas de moins en moins de place pour les artistes qui ne sont pas signés, qui n'ont pas la bonne attachée de presse. Après, moi, je ne me considère plus comme émergent. J'ai 45 ans, j'ai fait 4 albums. Je ne me considère plus comme émergent. Mais par contre, je me considère comme un artiste qui n'a jamais eu vraiment d'exposition. Indie. Voilà. Oui, on va dire indie. Indépendant. Ouais, c'est ça. Mais il y en a beaucoup d'indépendants. La majorité des gens... On est tous indépendants maintenant. Ouais, ouais. On est tous indépendants. On a tous nos labels associatifs ou des sociétés, mais en tout cas des petits labels. Mais Pierre Fon ne croit plus au laser. Donc, ce qu'il fait, c'est sur Internet. En fait, c'est compliqué parce que, mine de rien, ça, faire de la musique, ça s'est démocratisé, mais ça coûte quand même toujours un petit peu d'argent. Ouais. Si on veut bien faire les choses, bien le mixer, bien le masteriser, payer les gens avec qui on le fait. En l'occurrence, moi, j'aime pas... Pierre, il fait ses albums seul. Moi, j'aime pas faire mes albums seul. Okay. Parce que techniquement, je déteste la technique. Ça ne m'intéresse pas. Donc moi, j'ai quand même besoin d'un binôme pour faire des disques. J'arrive avec j'écris mes chansons, je les arrange, je les maquette, mais je n'ai aucune patience pour la technique. Okay. Et tu sais qu'il y en a qui le font mieux que toi, puis puis qui sont intéressés. Exactement. Et puis je trouve toujours intéressant d'avoir un deuxième avis sur ce qu'on fait. Après, j'ai toujours fait mes albums, à part le premier où il y avait une plus grosse équipe avec des musiciens et tout ça. Mais sinon, les trois autres, je les ai toujours fait en binôme avec un réalisateur. Et ça me plaît parce que ça ouvre un peu, on est moins sur son nombril et on est moins sur ses idées arrêtées. Quelquefois on peut tenir à des choses qui finalement n'en valent pas la peine, et d'autres peuvent avoir une vision sur le disque, sur les chansons qui sont plus intéressantes, quoi. Et là, le fait d'avoir fait ce disque-là il y a quand même quelques temps, tu le sors là, mais ça fait longtemps qu'il était déjà dans le tiroir. Oui. Est-ce que tu as été inspiré ou tu as eu comme un élan pour continuer à faire quelque chose d'autre, pour pas... Oui, alors en fait, j'ai... Mais oui, de, oui et non. Un travail personnel. Oui, oui et non. Okay. En fait, je trouve que c'est faire de la musique aujourd'hui, c'est... En tout cas pour moi, je parle pour moi, il y a un peu plus de frustration qu'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire nos disques, on peut les sortir, mais moi, je ne fais pas des disques pour qu'il y ait 10 personnes qui les écoutent. Je préférerais qu'il y en ait 100 000, quoi. Parce que je trouve que c'est plus intéressant. Sinon, je fais des chansons pour moi, je les enregistre, je les laisse sur mon disque dur, et puis je les écoute de temps en temps en me disant « Ah, c'était pas mal ». Voilà. Mais en fait, après, il n'y a personne à blâmer, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui arrivent à avoir moi, en fait, ce que j'ai jamais réussi à trouver, c'est un entourage, finalement. Ce qui est essentiel maintenant pour arriver, en tout cas, à sortir un petit peu du lot. C'est même pas une garantie, non. Mais ça peut aider, en tout cas, d'avoir... des téléphones, des numéros pour... Oui, puis le bon attaché de presse qui va s'occuper de faire la promotion de l'album, un label qui va aider pour... Alors après, je viens de sortir l'album aussi sur 5 ans parce que j'ai trouvé un label aussi, un label qui s'appelle Eléo Records. Mais ça, c'est un label numérique, c'est pas un label... Ils sont un label, en tout cas, pas que numérique, en fait, qui ont un contrat de distribution. Ils vont éventuellement le sortir en CD. On va voir, en fait. Okay. On attendait un petit peu de voir aussi comment ça allait, fonctionner comme ça. Mais envoie-moi le lien, moi je vais le payer. Mais bien ça sûr. Me dérange pas, ça me fait plaisir. Ah non, mais je t'envoie le lien. Mais du coup, c'est. Et ça, c'est un label français. Eux qui, c'est un label. En fait, c'est une artiste qui s'appelle Blaubird, je ne sais pas si tu connais, qui vient d'avoir le prix Joséphine d'ailleurs, qui fait partie des 10 artistes. Je pense que. Et en fait, il se trouve que Laure, qui gère le projet Blaubird, a créé ce label, Aléo Records, avec Olivier, qui est son mari, et qui était un musicien qui avait créé un groupe qui s'appelait Les Yeux Noirs, années, voilà. Mais Les Yeux Noirs, je connais, c'est Manouche un peu. Ouais, complètement. Ben oui, c'est ça. Oui, ils sont passés au Festival d'été à Québec. Peut-être. En tout cas, ils ont beaucoup tourné. C'était énorme, là. Ah, oui, ça, on parle des années 90. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Très bien. Et en fait, moi, j'ai rencontré Laure Blaubird, du coup, on s'est connus par des amis musiciens communs. Et puis c'est une des artistes que j'ai interviewé avec qui je suis devenu ami. Il y en a quelques-uns quand même, Nicky de Miller, du coup, avec qui j'ai travaillé. Il y en a quelques-uns. Oui, c'est rare, mais après, c'est le milieu qui est comme ça aussi. Mais en tout cas, moi, il y a plein de gens que j'aime beaucoup avec qui je ne suis pas ami, mais ça ne m'empêche pas de les apprécier énormément et d'adorer les interviewer quand j'ai l'occasion. Mais en l'occurrence, Laure, on est devenu amis. Et puis, elle a écouté le disque, elle m'a dit, mais. On a le label, on adorerait sortir ce projet qu'on trouve très beau. Et donc voilà, donc c'est comme ça que parce que sinon je pense que il serait peut-être encore resté un peu dans mes disques durs, tu vois. Alors si je vais sur le site, je vais pouvoir acheter d'autres disques de d'autres artistes. En tout cas pour l'instant. Sur la même étiquette de disque. Alors ils ont sorti donc l'album de Blaubird, Le ciel est partout. Qui est sorti l'année dernière, je crois. Il y a juste deux disques, là, et le mien. Mais le mien, il n'est pas encore en physique. Hein. Tu pourras l'acheter en numérique, par contre. Tu m'envoies le lien. Bien sûr. Est-ce que c'est du wave? Un petit côté. Non, c'est du wave. Ok, parfait. Okay. Parce que moi, je travaille. Et après, et donc voilà, donc c'est aussi grâce à eux que je me suis dit, allez hop, faut le sortir, il est temps. Mais après, je continue quand même à écrire des chansons. Malgré moi, je dirais presque, c'est vrai que j'ai toujours des idées, j'ai toujours envie, il y a toujours par moments des idées musicales qui arrivent, me dire tiens, pour le prochain disque, est-ce que j'aurais envie de faire ça, partir là-dedans, tout ça. Après, pour l'instant, je ne le fais pas de manière sérieuse, on va dire. Ouais. Je ne me dis pas tiens, j'écris 10 chansons et je fais un disque. Ça, ce n'est pas encore revenu. Mais est-ce que tu veux éventuellement placer le disque que tu as fait sur scène? quelques spectacles. Ah oui, c'est l'idée. Okay. L'idée, ce serait de maintenant... Quoi, dans de les musées, faire... dans des endroits un peu plus... Ouais, et puis dans les bibliothèques aussi, pourquoi pas, parce que c'est... Du coup, on parle de Sagan, qui est un auteur... Et tu peux faire une tournée partout en France avec oui. ça. Oui, ben en fait, c'était l'idée de départ. Au départ, ça ne devait pas être un disque. Parfait. Il se trouve que ça devait être un projet de scène qu'on devait faire à trois, donc avec Nicky de Miller et avec Baptiste Dosda, qui est un guitariste et bassiste qui accompagne notamment Cléa Vincent, Baptiste Hamon, beaucoup de gens de la nouvelle scène française. Et on a enregistré le disque tous les trois d'ailleurs. Et voilà, sauf que le Covid est arrivé et que du coup on s'est dit faisons un disque puisqu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas tourner. Et puis entre-temps, moi ma vie a aussi changé, j'ai été obligé de prendre un travail rémunérateur. Ouais. Lorsqu'on s'est rencontrés pour le piscine, t'étais dans la mode. Et là je continue. Okay. Où je travaille pour une marque de mode où je fais beaucoup de photos pour eux. Alors toi c'est de la photo. Là c'est de la photo, je fais essentiellement de la photo et de la communication. Ah, mais c'est quand même artistique, c'est bien. Ah oui, bien sûr. T'sais, c'est pas n'importe quoi. Non, bien sûr. Non, j'ai toujours besoin moi d'être un peu créatif. D'être très créatif. Oui, mais est-ce que ça te donne le goût de faire des pochettes de disques? J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. J'ai eu quelques projets. Alors j'ai fait, il y a un artiste qui s'appelle Kim qui fait énormément de disques et qui avait choisi une de mes photos pour un projet qu'il avait fait en trio. Et donc il y avait trois photos sur la pochette et le portrait de Kim, c'était moi qui l'avais fait. Récemment il y a un autre artiste aussi qui a choisi une de mes photos qui est dans son livret d'album qui n'est pas sur la pochette. Mais bon, pour l'instant, la pochette, c'est pas faite. Mais j'ai fait des photos de presse pour plusieurs artistes. Et sur ta revue, c'est toi qui prends les photos? Oui, toutes. Alors pour Faces, oui, parce que c'était le postulat de départ en fait. J'avais envie de faire un, quelque chose qui était très esthétique et qui pouvait être reconnu visuellement. Ouais. Donc du coup, j'avais choisi le noir et blanc. C'est une belle revue, les photos sont belles, puis l'écriture aussi, le graphisme. Oui, le graphisme est vraiment très, très léger. Bah, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire parce que sur le web, souvent, je trouvais que les sites internet pouvaient être super intéressants, ouais, mais pas très esthétiques. C'est vrai. Alors que dans un magazine, quel qu'il soit, en général, il y a toujours un côté un peu plus esthétique. On peut peaufiner, c'est plus artistique. Voilà, et je l'ai vraiment fait dans cette idée-là, c'est-à-dire de, comme si c'était un magazine papier, en fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, je pense que je suis en train de réfléchir à une version papier, en fait, de tout ça, parce que Je réfléchis beaucoup à ce que devient justement le web aussi, à ce que devient... parce que comme pour la musique, le secteur des médias, c'est compliqué, et les médias internet, c'est compliqué on ne gagne pas d'argent dans ces projets-là. Et en fait, à un moment donné, on ne peut pas travailler sans fin, sans gagner de l'argent. C'est impossible. Et c'est vrai que c'est difficile de... Donc, j'ai l'impression que le tout gratuit arrive un petit peu quand même à la fin. Parce que même en étant gratuit, les gens ne vont pas forcément lire les articles. Ils vont regarder des stories sur Instagram. Ouais. Et du coup, c'est vrai que faire une interview, ça prend du temps. Tu sais ce que c'est. Moi, faire un portrait pour Faces, ça me prend réellement 3 jours de travail, mis bout à bout. Et du coup, bah, c'est de l'investissement, du temps. Alors, évidemment, j'adore faire ça, mais à un moment donné, adorer faire ça ne suffit plus. Il faut aussi, de la même manière qu'on a envie que notre musique soit connue, j'ai envie que les gens voient les portraits. Et c'est vrai que quelquefois, se dire, bon, bah, finalement, on est juste un post Instagram, c'est... Mais en même temps, c'est pas si facile que ça à trouver. Non, mais je me dis, après tout, le faire en papier... En faire un très petit pressage où je me dis je suis à peu près sûr de les écouler, ben, au moins c'est, si je le fais en 50 exemplaires, que les 50 personnes le liront, et ben, je trouve que c'est peut-être un peu plus gratifiant finalement que de se dire potentiellement il y a des milliers de personnes qui le lisent mais ils ne le lisent pas. Voilà, c'est... Alors ça serait toi le distributeur aussi? Oui, bien sûr. Ah bah après, c'est toujours pareil. Tous les projets artistiques, malheureusement, pour l'instant, en tout cas, ça me coûte de l'argent plutôt que ça ne m'en rapporte. C'est ça. Après, c'est des envies. Hein. Ouais, personne ne me met le couteau sous la gorge pour le faire. Non. Puis en plus, c'est la passion. Surtout. Exactement. Comme moi, c'est la passion. Exactement. C'est pas plus que ça. C'est déjà beaucoup, la passion. Ah oui. Parce que quand tu rencontres des gens, tu trouves que ce qui manque dans leur vie, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des dépressions, peut-être, et des déceptions. Et... Tout à fait. Au moins, quand ça ne va pas, ben, tu te lances dans tes projets. Mais moi, j'ai toujours plein de projets, j'ai toujours plein d'envies. Je parlais tout à l'heure un petit peu de frustration, mais je ne sais pas si c'est réellement le mot, parce que j'ai toujours énormément d'envie. C'est juste que quelquefois, je trouve que la musique, c'est... C'est beaucoup de travail pour ce que ça rapporte. Mais pour ce que ça rapporte, pas forcément financièrement, mais ce que ça... Je pense que c'est une toute petite minorité de gens qui sont vraiment passionnés de musique. Ouais. La plupart des gens, la musique fait partie de leur vie, de leur quotidien, et c'est très bien comme ça. Ouais. Ils aiment une chanson et puis ils sont musique radiophonique, musique. Voilà. Ouais. Et c'est très bien. Je trouve ça très très bien. Mais c'est vrai que les mélomanes, il n'y en a pas tant que ça. Ben non, parce que voilà, et puis que maintenant la musique majoritaire c'est le rap, c'est le hip-hop, la musique urbaine, et c'est très bien. Faut tout évolue, tout change, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que moi, que ce soit la musique que je fais ou les artistes dont je parle, c'est de la musique minoritaire. Maintenant. C'est comme le cinéma d'auteur. Exactement. Qui a aussi sa place, parce que c'est un cinéma qui nous rend moins bêtes, qui nous fait un peu réfléchir, un peu comme la musique indépendante. Exactement. Il y a des gens qui... En plus, c'est des humains qui sont derrière ça. C'est pas... puis juste savoir que y en a une qui s'appelle Garance Aubin. Est-ce que tu la connais, Garance Aubin? Non, ça me dit rien. Oh, ben écoute... C'est une fille qui est auteure, compositrice. Ah, mais Garance, si, mais qui, son projet, c'est sous le nom de Garance. Oui, c'est Bleu, que c'est Amour actuellement. Oui, mais je crois que. Je vois qui c'est. Ben, oui. De la rencontrer pour ta revue. Ouais. Parce que c'est une fille qui s'investit constamment, qui est depuis. Moi, je la connais depuis 10 ans. Oui. Elle a 4 albums, elle en prépare un 5e. J'ai même encouragé son 4e album. D'accord. J'ai pris le gros forfait, là, avec... Ah oui, pour les... Ouais, bah, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, ça continue toujours, les artistes font ça. Comment ça s'appelle, donc, ce site-là, très connu? Kiss Bang Bang ou Ulule? Ulule, ouais, c'est ça. Et puis là, ben là, on a fait une supercherie parce qu'ils ne pouvaient pas le faire pour le Canada, le Québec. Et, ah, d'accord. Et puis là, je me suis dirigé directement vers Garant. J'ai dit, écoute, ouais. Je veux t'encourager. Donc, j'ai eu le disque, le double disque en spectacle, parce que ça a été fait en spectacle. Le sac avec une phrase du disque. Oui. Ma soeur a vraiment adoré. Donc là, j'essaye de tout trouver les sacs pour les racheter. C'est ça. Mais là, elle cherche ça dans ses boîtes parce qu'elle a déménagé. Ah, oui, d'accord. Longtemps, bon. Et donc, c'est une auteure, compositrice, interprète qui c'est elle qui prend ses contrats, c'est elle qui appelle pour... puis elle n'arrête pas. Mais en fait, c'est ça. Mais, et je pense qu'en fait, quand on fait ça depuis... Moi, j'ai toujours fait ça aussi, au final. J'ai toujours produit mes disques, à part le premier où j'ai eu un mécène, quelqu'un qui, ouais. qui a payé la production du disque, qui a payé les musiciens, qui a payé le studio, qui... voilà. Mais sinon... C'est ton ami à toi? Oui, oui, c'était quelqu'un, en tout cas à l'époque, que c'est quelqu'un que je vois plus trop malheureusement, mais on n'est pas fâché, c'est la vie, okay, voilà, ça arrive quelquefois. Ouais. Mais en tout cas, à cette époque-là, lui gagnait de l'argent et il me voyait un peu galérer. Et en fait, il était ami avec un producteur, éditeur, et du coup, qui lui a parlé du projet. Et voilà, et donc c'est par lui que j'ai rencontré... Éric Diguer, qui fait partie du groupe Matmata. Ouais. Et c'est lui qui a réalisé mon premier disque, en fait, Éric. Donc, on est parti en Bretagne enregistrer l'album. Mais c'est quand même des gens solides. Ah, bah, complètement. Ah oui, ah, oui, oui. C'est, mais c'était. En es-tu fier de cet album-là? De quoi? Es-tu fier de cet album-là? Ah, ouais, très. Ouais, oui, je l'aime beaucoup. C'est le premier, donc après, il y a forcément des qualités, des défauts. Ouais. Mais c'est plus les textes, quelquefois, que j'aime moins. Mais il y a encore des chansons que je trouve très réussies sur le disque. Et c'est surtout que c'est le premier qui a cru en moi. Il a écouté mes maquettes et il a dit ah, moi, j'adore, je trouve ça super. Et en plus, pour le coup, Matmata, ils font une musique qui est assez différente de ce que je fais moi. Mais en tout cas, il avait eu cette ouverture d'esprit de dire. Il m'a rien imposé. En fait, il a jamais cherché à m'imposer d'aller vers un côté plus rock ou plus chanson. Non, il t'a pris comme tu étais. Exactement. Et il avait compris mes influences. Il avait compris où est-ce qu'il fallait aller. Et j'ai adoré. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est croisé il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, au Francophonie de La Rochelle. Ah, ouais. J'étais hyper content de le voir parce que ça reste un excellent souvenir et une excellente collaboration. Et on avait fait le pareil. On avait fait l'album à trois parce que. Entrer dans ces minérales. Rose. c'était un réalisateur qui s'appelle Thierry Garassino, qui au départ devait juste mixer l'album. Et puis finalement, on avait repris aussi quelques arrangements. On avait terminé l'album avec Thierry, qui a aussi réalisé mon album d'après, Les Nuits Sereines n'existent pas. Et donc, c'est aussi grâce à ce premier album que j'ai rencontré Thierry, avec qui j'ai fait le suivant. Donc voilà. C'est les rencontres. C'est les rencontres. Le troisième, c'est grâce à Pierre, Fa et Elsa Kopf. Parce que j'avais rencontré... Qui reste juste ici à côté. Oui, qui habite à côté. Oui, ouais, à côté de mon auberge de jeunesse. Ah ben voilà. Oui. Et Elsa, en fait, était accompagnée par Valentin Aubert sur scène à l'époque. Ouais. Et donc, Pierre avait fait le lien, nous avait présenté. Et à l'époque, je voulais juste remixer un titre. Et j'avais proposé à Valentin de travailler sur deux titres. Et j'avais adoré. Je lui ai dit, bah, écoute, faisons l'album. J'ai un album qui est prêt. Voilà, donc tout se fait un petit peu... Et à chaque fois, il se trouve que ça s'est toujours extrêmement bien passé. J'ai jamais eu de problème avec les réalisateurs artistiques avec qui j'ai travaillé. Mais toi, dans l'écriture, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ça dépend. Ça dépend des chansons. Au début, c'était plus les idées qui amenaient. J'avais une idée d'une chanson, par exemple, sur mon premier album. Il y a une chanson qui s'appelle La plage des naturistes. Ouais. Et en fait, là, c'était vraiment l'idée... En fait, je m'étais retrouvé une fois le seul en maillot de bain sur une plage de naturistes. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est marrant d'avoir un... Parce que tu étais trop... J'avais pas eu envie de me mettre nu, et voilà. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'idée de se dire que finalement, j'étais... C'est toi qui avais l'air anormal. Voilà, dans un milieu qui, entre guillemets, était plus... Donc, c'était ce contexte-là qui m'avait amené la chanson. Oui. C'est une chanson rigolote. Non, c'est pas... un peu plus cynique que rigolote, je pense. Mais après, c'était... sur les albums d'après, c'était les musiques qui amenaient les chansons. Je travaillais d'abord les musiques et les mélodies, et après, je cherchais des mots. Et là, je reviens un petit peu à l'inverse. J'écris des textes, et on verra. En fait, j'ai plus envie de travailler seul. J'ai plus envie d'être tout seul dans mon coin à faire des choses. Je pense que j'ai eu besoin de le faire sur deux albums en me disant je suis capable de le faire, je suis capable d'écrire paroles et musique, je suis capable de faire tout un album. Et maintenant, j'ai envie de m'amuser avec les autres, j'ai envie de faire des choses avec les autres. En as-tu parlé à Pierre? Parce que là, il est dans un projet avec une jeune chanteuse que je rencontre demain. D'accord. Donc, non, je suis là, pas au courant. Il est rendu là, qu'il veut travailler avec des personnes. D'accord. Ouais. Alors, je t'écris ça comme ça, quand même, le Québécois qui... Oui. On ne s'est pas vu depuis un petit moment avec Pierre, il faut qu'on s'appelle. Oui. Mais, j'ai envie de travailler avec les autres. Ben, lui aussi. J'ai plus envie d'être tout seul chez moi à travailler mes chansons. Ouais. Je le fais déjà sur Faces, je le fais... Puis j'ai commencé à écrire un roman, on va dire, sur le milieu de la musique, et du coup, ça va être mon aventure solitaire, donc pour le reste, j'ai un peu envie de... Mais c'est quoi un roman, un genre documentaire? Ben là, pour l'instant, je sais pas trop, je démarre, donc... Pourquoi ça t'est venu, cette idée-là? Bah parce que j'avais envie de pas... C'est fictif ou... Oui, c'est fictif. Ok, mais il y a une réalité là-dessus de ça. Là. Bah, en fait, je me dis, ça fait quand même suffisamment longtemps que je traite dans ce milieu pour avoir des choses à en dire, en tout cas. Ouais. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à brosser quelques portraits de la même manière que je fais des portraits d'artistes. Ouais. J'ai commencé à faire des portraits d'artistes fictifs, en fait. Mais qui te rappellent quelques... Voilà, inspirés par d'autres personnes, inspirés par des choses que je ressens moi, que j'ai vécu moi. Et puis, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portraits comme ça de fictifs d'artistes. Donc, je me suis dit, est-ce que j'essaierai pas de faire quelque chose? Donc là, voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Alors, tu sais que c'est un roman, ils n'ont pas de plusieurs nouvelles. Je ne sais pas encore, en fait. J'avoue que pour l'instant, je suis encore... pour l'instant, j'écris. Et puis, on verra à un moment donné quand il faudra structurer tout ça. Est-ce que ça embrasse l'humour ou ça embrasse plutôt la tragédie? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est pas tellement humoristique. C'est plutôt comédie dramatique, on va dire, si ça devait être un film. J'en sais rien, parce que c'est pas non plus... On parle pas de choses extrêmement sérieuses. Hein. Non, mais on dévoile ça des reste trucs. Que de la musique. Oui, mais on dévoile des trucs. On croit que c'est ça, mais en même temps, c'est pas vraiment ça. Oui, mais je dévoile plutôt les pensées intérieures des personnages. Okay. De dire, par exemple, je sais pas, sur un des personnages, je lui fais penser des choses que j'imagine être... le quotidien de gens très connus ou j'en sais rien, même si je parle pas de quelqu'un en particulier, parce que je les connais pas personnellement, donc ce serait... C'est comme un chanteur qui sort à l'extérieur et qui rencontre un de ses fans, on choisit pas nos fans. Non, bien sûr. Puis des fois, on tombe sur des gens dans lesquels on peut avoir des idées, mais on peut pas lui dire, donc... Oui, puis la musique, c'est pas que des musiciens, c'est aussi un entourage, c'est aussi des producteurs, des attachés de presse... Ouais. Des photographes, des fans, le milieu de la musique, c'est beaucoup de choses. C'est vrai, ça englobe plein de choses. Et du coup, c'est ça qui m'intéresserait, ce serait de... Enfin, en tout cas, c'est mon ambition, je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout. Les deux sous de la chanson. Mais... Oui, ou en tout cas... Montrer que ce n'est pas si, si clair que ça. Il y a tellement de choses qui enrobent tout ça pour arriver à la vedette. Il y a beaucoup de clichés qui entourent les musiciens, les artistes en général. Et alors qu'en fait, c'est beaucoup moins spectaculaire que ça n'en a l'air. Ouais, il y a moins de paillettes et il y a moins de... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a moins. Oui. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a moins. Les artistes sont plutôt bien élevés aujourd'hui, sont plutôt sérieux, prennent ça au sérieux. De ce que je peux observer, il y a quelque chose de vraiment... Un travail. Ouais. Alors, c'est pas les peut-être une manière de vivre, mais... Il y a encore des vieux rockers qui suivent encore la tangente. Oui, mais pas tant que ça, au final. Okay, ouais. Après, peut-être que je les rencontre pas, mais... J'ai l'impression quand même que les gens prennent ça au sérieux, maintenant. Je dis pas que les autres le prenaient pas au sérieux, mais c'est vrai qu'on a toujours ce cliché des rockers, justement, qui faisaient ça pour draguer les filles et prendre de la coke, quoi. Donc, Je connais les Wampas. Oui. J'ai suivi en tournée, et c'est ça. Oui, mais en même temps, moi, j'ai rencontré Didier Vampas dans un cadre privé, qui est plutôt quelqu'un d'assez calme et de plutôt... Non, mais je parle de ses musiciens, parce que moi, j'étais avec les musiciens. Lui, Wampas, arrive en train. C'était à Bélébin. Ouais. OK, comme là, Bélébin, il y a Iggy Pop là, qui va se produire. D'accord. Donc, Iggy Pop va pas suivre... Ben, peut-être que lui, c'est pas la même chose, là. Mais, exemple, Nick Cave n'arrivera pas avec les musiciens. Il va arriver en train. D'accord. Pour être beaucoup plus frais. Oui, oui, oui. Bon, ben, Didier Wampas, c'est pas du tout suivi. Il n'était pas avec nous dans le bus. Le bus, là, il y avait, je ne sais pas si tu connais Tony Truant. De nom, mais oui. Ouais. Bon, écoute, il est au carré ce qu'il représente. C'est lui qui avait volé une bouteille de Southern Comfort. D'accord. OK. Et là, tout le monde savait que c'était lui, mais lui, il voulait pas le dire. Ben ouais. Et donc, il était. Je me suis dit, comment ce gars-là, après avoir foutu la merde dans le bus, avoir bu, envoyé en l'air comme ça, envoyé en l'air, pas dans le sens sexuel, mais en. Oui, bien sûr. Qu'il se retrouve le lendemain, à midi sur scène, frais comme un papillon, à jouer. Ah non, mais c'est sûr, il y en a qui ont une vraie santé pour ça. Ouais. Enfin, on regarde Keith Richards, voilà. Oui. Ou même Mick Jagger, parce que je suppose que Mick Jagger... Mais Mick Jagger, je crois qu'il est plus sage que... Voilà, c'est ça. Lui doit être encore sur la... C'est ça, mais c'est... Bon, voilà, c'est... Mais en même temps, c'est assez passionnant aussi. Des yeux voilés. Yeah. John, John, John. Les paroles superflues de John, John, John. La violence inattendue de John, John, John. Est-ce un malentendu, cher John, John, John? Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour l'avenir? Oh, ben écoute, que ça continue. La santé avant tout. Ouais, ouais, et puis que de garder l'enthousiasme. Oui, oui. La flamme. La ouais. Flamme. Ouais, ouais. Je l'ai encore, hein, malgré tout. Oh, tu l'as, ben oui. Ben, même si je me plains, je l'ai encore. Ben non, mais on se plaint pour améliorer son sort. On se plaint pas pour... Oui, oui, non, non, c'est sûr. Ah non, non, ben ça, c'est justement ça. C'est pour ça que j'espère garder l'enthousiasme et l'envie le plus longtemps possible. Quoi qu'il se passe, en fait, parce que au final, on fait des choses parce qu'on a envie de les faire. Ouais. S'il y a une reconnaissance, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben... On fait par passion, la passion, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ah ben Nicolas, encore merci. Ah ben, merci à toi. Les dimanches après. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.